si vous êtes un être humain, allez faire là-bas. C'est un conditionnement d'être une partie de l'événement. On s'attache, c'est une choix. Je pourrais, moi, j'ai encore l'idée. Ça me plaît, moi, depuis le premier de la table. Je ne sais pas si c'est pour ça. Mais là, il y aura toujours un grand pour la place. Qui va me laisser le meilleur du temps. Faire partie de l'événement. C'est comme à Londres. Ne pas en faire partie. On sera. Elle naît chez vous. Et il y a une guerre. C'est grandi. C'est une guerre. C'est assez grand. Si vous avez à être quelque chose, vous ne cherchez pas. Mais la conscience chez l'homme, c'est autre chose. La conscience, elle est libre tant qu'elle n'a pas été humanisée. Il y a énormément de parties. Des structures supplémentaires qui vous appartiennent et que vous n'avez pas encore digérées, donc que vous n'avez pas encore colorées. Et ces parties sont libres. Dans leur esprit. Et tant qu'elles sont libres, elles peuvent vous changer l'avenir de votre conscience astrale, de votre corps physique. Autrement dit, les dés ne sont pas jetés. Pour la majorité des gens, en tout cas. Et même ceux qui les ont jetés, c'est toujours moyen de faire des choses. Ils échangeraient. Ce sont les pitons noirs, de tout qui sont, et non plus. C'est un jeu. C'est pas chien, non. Oubliez, oui, c'est long. C'est toi qui veux faire partie de l'événement, participe à l'événement. Ça les stimule, ça leur donne l'impression qu'ils vivent, et ça permet à l'énergie de traverser un paquet d'événements. Ça aide à faire tout temporaliser. Ça permet de conserver l'intelligence dans la matière. Ça permet de conserver de l'énergie là où elle ne peut pas être conservée. Ça permet de faire en sorte que, dans le déplacement d'événements, de l'énergie reste. L'appliqueront, s'en serviront. Donc, vibrer sous le ciel et brûleront les ailes dans la société de tout ça. Il y a moyen de changer les règles. Je veux les graver, le ciel. Il reste là. Il est parfait. Tu dois changer les règles seulement selon ce que les règles veulent changer et selon ce que tu veux changer. Si tu ne peux pas changer les règles, tu ne changes pas les règles. Mais ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que si je dis cela aujourd'hui, c'est cela pour peu. Avant que je le dise, ça ne pouvait pas. Maintenant que je l'ai dit, ça peut. Et ceux qui vont le faire, vont changer, vont le faire parce que je l'ai dit. Donc, ils sont manipulés à changer les règles. Donc, ils ne s'apprend pas. Vive les grandes gueules. Qu'est-ce que cela veut dire de demeurer androïde dans sa conscience? On a un corps, c'est cette mâle ou femelle. Et on l'habite. Et nous, on est dimanche, c'est bête. L'entité mémorielle fait-elle partie de l'inanimé? Quand ma conscience se déplacera pour aller habiter un corps lundi matin au bureau, ira-t-elle animer une forme matérielle hypothéquée par des formes mémorielles ou si ces formes mémorielles qui ont un passé se déplacent avec ma conscience? Elle va aller habiter. Premièrement, des formes mémorielles qu'elle accumule, qui se placent avec les stress, etc. pas à aller habiter un corps de personnes qui travaillent. Alors, lorsqu'il va embarquer dans son automobile, il va embarquer dans le corps physique du corps ou de la pays qui conduit. C'est un peu similaire, c'est ça. Quand au travail, ben, elle va maintenant embarquer dans le corps physique du travail. Alors, elle sera maintenant comme du travail. Il y en a qui rentrent, qui viennent aux conférences, ils embarquent dans le corps physique de celui qui vient aux conférences. Quand ils embarquent dans le corps physique de celui qui va travailler, ah ben là, ça va être partout, ça se met à sa crise, ça chiale du temps, ça gueule. C'est pas le même corps. Et ils vont dire, oui, mais au travail, je suis pas capable, parce que, ben non, c'est une question de où tu embarques, etc. Il y en a qui se mettent à boire, qui rentrent dans le corps, et qui boivent, celui qui boit pas tout le temps, donc il accepte d'entrer dans ce corps-là, il va boire. Il veut pas, il veut arrêter de boire, mais il prend un verre, il embarque dans le corps, puis il vient encore de suite. C'est pas qu'il embarque dans ce corps-là. Quand cette illusion se forme, qui joue ce jeu-là. Et à un moment donné, ben, si tu embarques dans celui qui veut être estimé, c'est finalement de misère, ben, t'embarques là-dedans. Embarque donc dans le corps de celui qui ne peut pas. Comment faire? Ben, comment faire? Faut pas que tu corriges par l'ego. Sinon, tu vas encore embarquer dans le corps de celui qui veut être estimé. Et qui lutte pour être estimé. C'est parce que l'événementiel, c'est parce que l'effet, c'est prouvant que celui qui veut arrêter ça, c'est finalement, comment? Tout. Ben, embarque dans le corps de celui qui veut être estimé. Quel nombre de formes du corps auquel tu vas embarquer être? Ça va aider. Pourquoi? Parce que si tu t'habilles différemment, en partant, t'embarques pas dans le même corps. N'embarque pas dans le même corps. Tu parles différemment, différemment, beau, différemment. Il y a toujours cette astrale qui essaie de te récupérer. Bon, c'est beau, mais tu vas te prévaler, tu changes. Non, tu embarques dans le corps. Parce qu'on a combien de corps qui nous attendent? Il y a celui qui touche, celui qui sort, celui qui regarde, celui qui maquille, celui qui travaille, celui qui chante, celui qui offre. C'est normal. Quand à un moment donné, tu rentres dans un corps qui est en colère, bien souvent, le haut de la conscience n'a pas de temps, elle ne peut plus embarquer dans ce corps-là. Alors, le corps est à la colère, quand ta conscience a l'illusion en charge d'un corps qui est à la colère, qui redevient celui qui n'est pas colérique, quand ta conscience est solidaire, elle a toujours été dans le corps calme, elle attendait que le reste arrive dans le corps calme, avec la mémoire qui pense avoir fait. Mais il n'y a rien fait. Tu es capable de le faire de façon non égoïque. Par exemple, actuellement, tu as un corps malade, mais tu viens d'avoir un corps en santé. D'avoir la vie encore à santé. D'avoir déjà habité un corps à santé. J'ai jamais habité un corps à santé. T'as vu ta corps malade? Actuellement. Oui. T'as pas retourné dans l'ancien. Tu n'as jamais eu d'ancien. Qu'est-ce que veut dire retourner dans le passé si tu dois aller dans l'avenir? Ou aller dans un corps semblable à celui que mémorialement t'as déjà connu. C'est pas que tu connais mémorialement, tu le connais, mais ça sent mémorialement. Il n'a pas connu mémorialement. C'est ce que tu devrais créer. Le réhabiliter. Pourquoi le réhabiliter? Il n'a jamais habité, que tu l'habites demain. Ah, c'est ça. Oui. Mais le re, non. Et c'est important parce que toute la structure de la pensée est faite en fonction du re. Et on travaille vers quelque chose qui n'existe pas. C'est vers l'illusion. Alors, c'est peut-être similairement la même chose dans la réalité, mais il y a une différence totale. Regardez la photo, le paysage. De ta fenêtre, vous regardez le paysage de ta fenêtre, pas mal. Tu vois la chasse qui est vue de l'ailleurs et dans un arcade. C'est bon. La simulation de ta main, c'est ça la plus intéressante. Exactement comme quand tu dis que l'astral te donne l'inverse de la réalité, et quand tu connais le principe, ça te donne l'inverse de l'inverse de la réalité. L'inverse de l'inverse de la réalité, mathématiquement, c'est la réalité. Et pour l'astral, c'est pas la réalité. Tout ça sera efficace, sera réel. Mais lui ne le sait pas. Pourquoi il te donne l'inverse de l'inverse? Il ne se rend pas compte que ça te donne l'inverse de l'inverse. Dans la mathématique actuelle, tu donneras la réalité. Il ne le sait pas. Il le saurait. Il te donnerait l'inverse, et par la suite, il te donnerait deux inverses, et il te ferait enchanter deux. Ça serait encore trop fort. Il ne le sait pas. Alors, quand tu veux fonctionner dans la réalité, tu ne peux pas dire, on met réhabiter. Aller dans le passé, ça fait partie de mon avenir. Je ne suis pas dans le passé, j'embarque dans une machine à voyage dans le temps, et là, dans mon avenir à moi, je régresse dans le passé, c'est mon avenir. Il a fallu que j'aille 25 ans, puis après 25 ans, c'est mon avenir, régresser dans le passé. Tu comprends? Oui. Mais pour l'astral, c'est régresser dans le passé, mais pour la réalité, c'est pas régresser dans l'avenir. Sauf que dans l'un des cas, Donc, celui qui régresse est dans l'astral. L'astral n'a pas de conscience, l'astral vieillit, l'astral ne pense pas. Celui qui va dans l'avenir est autre chose. Pourquoi il y a une immense différence entre réintégrer le corps ou intégrer le corps? Tu peux pas. Le corps, c'est l'astral qui gère, tu peux parler comme tu parlais. C'est le mental qui gère, tu peux parler comme tu parles. Donc, il y a une nuance mentale, c'est l'astral qui gère, ça ne fonctionnera pas. Ça va fonctionner dans l'illusion. Pas dans la réalité. Si je n'existe pas, je n'existe donc pas plus maintenant, puisque la conscience n'existe pas, ça passe plus haut temporellement. Comment peut-elle exister temporellement et non spatialement? Elle n'existe pas. C'est-à-dire qu'il faut une preuve pour prouver qu'on a déjà existé. Ce n'est pas logique, puisqu'il faut prouver par une illusion qu'une illusion existe. Est-il possible qu'on ait existé même en preuve? Non. Quand tu parles de preuve, je parle d'ego. La conscience existe effectivement pas. Qu'est-ce qui existe au niveau du temporel? De l'illusion. Ce n'est que de l'illusion. Que de l'illusion. La conscience n'existe pas. On pourrait dire qu'elle est là. Elle n'est pas là. Mais ça n'existe pas. C'est préexistentiel. Mais ça a des incidents dans l'existence. Alors, du point de vue humain, ça existe. Mais pas comme on le conçoit. Ça n'existe pas. C'est plus là. C'est pas là. Pas trouver des mots, madame. On dirait que la vie, c'est pas le moine, en réalité, c'est faux. Ben, la vie, c'est le moine. La vie, c'est le moine. Tu comprends? Quand tu viens un moine, ça ne révèle pas la vie quand tu ne connais pas comme moine. Quand c'est l'État, puis refuse de te dire qu'il faut leur uniforme. C'est pas ça. Ce qu'on doit comprendre au niveau de la conscience de la vie, etc., c'est que l'illusion existe. L'illusion n'a pas existé, il existe dans la mémoire. Dans la mémoire, il a existé, donc on lui donne la possibilité de conserver l'impression qu'il existe dans l'actualité. Parfois, quand je trouve quelque chose de drôle et que je sais que ça ne doit pas paraître, j'ai beaucoup de difficultés à me contrôler. Ça dépend de quoi et comment que je fais. Pour maintenant, vous posez la question convenablement. Est-ce que vous avez des difficultés à vous contrôler, ou à contrôler votre ego, ou à contrôler votre corps physique, ou à contrôler. Mais pas à vous contrôler, vous contrôlez sans problème. Qu'est-ce que ça dépend qu'il y a des personnes qui n'ont pas l'esprit vite pour comprendre des choses simples et qu'elles comprennent des choses compliquées, alors que pour d'autres, personne ne comprend. Ça dépend de la valeur émotive que l'ego apporte à l'énergisation neuronique pendant l'explication d'un phénomène. Pour certains, quand 3 ou 4 neurones, sont stimulés, parfait. Pour d'autres, il faut 25 000, 30 000 neurones stimulés qu'on puisse prétendre que là, de la valeur émotive et énergétique que va donner l'ego à la stimulation biologique neurotique. Alors, on va demander à quelqu'un, on va lui faire un gros problème, on va lui dire, passer par le nez, on va prendre un écran. Si on lui donne pas d'explication, là, avec une affaire, on lui fait des trop de neurones qui fonctionnent, puis l'ego n'arrive pas à trouver dans le paquet de neurones lesquels 3 neurones il va prendre comme solution. Il y en a d'autres, et bien, comme je le disais, on doit remplir la boîte. Alors, si pas assez rempli, donc on répète le même mot avec 20 à 20 synonymes différents. Puis la personne a dit « Ah! » Ça l'a dit. La conscience est instantanée et donc ne peut observer le changement. Qu'est-ce qui observe le changement? Le changement, c'est la mémoire qui observe qu'elle meurt. Donc, c'est l'ego qui observe le changement. C'est bien ça l'évolution. Est-ce que tu veux dire que lorsque l'on fait une promesse ou autre genre, que c'est déjà passé, comme d'un mois ou deux, que cela est déjà mort, et comme cela ne peut être libéré, soit de tout notre passé et on peut faire comme si on commencerait toujours avec. Non. On ne doit jamais faire comme. Il faut attendre le bon moment pour faire une telle chose. Si la conscience peut plier l'espace-temps, pourquoi doit-elle attendre que l'ego soit prêt? Quand tout veut plier l'espace-temps, tous les espaces-temps réels seront individuels. Le Christ a-t-il été utilisé ce procédé pour quitter le Christ? Oui. Si la conscience plie l'espace-temps, pourquoi doit-elle attendre que l'ego soit prêt? Tu as déjà dit que la personne qui se prend au sérieux va dire, exemple, la pizza n'est pas bonne, au lieu de dire, je trouve que la pizza n'est pas bonne. Et tu dis dans le pouvoir de la parole qu'on ne doit pas dire, je trouve, car on sait qui parle. Dans cet exemple, comment ne pas se prendre au sérieux et avoir la parole ajustée? Très certainement, l'ego ne trouve pas la mon ego bon. C'est intéressant. Les papilles gustatives, mon corps physique, la bouche, vous êtes capable de trouver comment ajouter une parole parfaitement précise. Mais la meilleure chose, que si on ne trouve pas ça bon, c'est que notre corps n'en a pas besoin. Alors, non, le corps ne peut pas manger ça. Il y a des personnes qui n'aiment pas le beurre d'arachide. Et puis à un moment donné, ah ben, il y a marre. Puis après un laps de terre, je suis capable. Ça sent pas bon, ça sent que ça. Si vous aviez besoin, vous l'avez pris, maintenant vous en avez besoin. On trouve la putain, pas goût bon, pas bon. Tout sur la planète est systématisé en fonction des mémoires. Par exemple, mise en mémoire, en prison, du son, de la lumière, par la musique. D'enregistrement, la parole, pause, les vidéos, la télé, etc. La première intervention supramentale sur la planète est de venir détruire ses formes, ses mémoires, le système au complet. C'est vraiment un acte d'héroïsme. Deuxième intervention serait-elle de créer un monde planétarien supramental? Est-ce possible du fait que l'on essaye de créer de l'instantané dans la forme alors que la planète support? La planète support ne peut être créée et détruite à la fois dans l'instantanéité individuelle. Je cherche. Il n'y aura pas de monde mental. Il y aura des mondes intelligents, des mondes mentaux, mais il n'y aura pas de monde qui sera créé par la structure fondamentale, par la structure mentale. Nous n'allons pas vers une évolution supra-technologique. Nous n'habiterons pas toujours la planète. Nous n'habiterons pas toujours. Poser constamment des questions qu'on ne peut pas faire autrement, dû à une certaine manipulation. Alors, on ne les pose pas. On nous les pose. C'est très souffrant du fait qu'on n'a pas de réponse par soi-même. Le jour où l'on commence à répondre. C'est qu'on ne nous pose pas ces questions-là pour qu'on leur réponde. Donc, la personne ne devrait pas souffrir de ne pas avoir la réponse. Parce qu'elle pense qu'elle se pose des questions. Les questions, c'est de l'énergie. À un moment donné, on les met dans une banque qui s'appelle votre tête. On va aller chercher. Bon. Alors, la question que tu as, c'est on te pose une question, mais on ne te pose pas. On vient t'écouter. C'est l'énergie. Elle peut être assimilée parfois, mais elle peut aussi s'en aller ailleurs. Elle peut préparer la conscience collective à avoir un support tellement grand à un moment donné pour que le reste des pauvres ne se passe, c'est la réponse. Mais la personne qui a plein de questions, elle a une agitation de pensée qui fonctionne, il y a beaucoup d'énergie qui descend chez elle. Des dépôts d'énergie et elle pourra les digérer, ça va quand même circuler pareil, ou elle pourra à un moment donné les perdre, mais elle n'a pas besoin de chercher à répondre aux questions. Le jour où tu as besoin de la réponse, si on a besoin, ça va avoir. Oui, mais c'est sûrement qu'on a l'air. Il y a énormément de. On doit encore. Ça revient encore à la même chose, c'est qu'on s'attache à ce qu'on pense à être. Moi, je me pose jamais, jamais, jamais. De temps en temps, il y a des questions dans ma tête qui se promènent. Et puis, si y a la réponse, c'est plaisant pour l'ego. Si pas la réponse, c'est plaisant pour l'ego. Arrangez-vous comme moi, là. Il y a un ego qui veut avoir des réponses, mais un ego qui n'en veut pas. Quand tu n'en veux pas, c'est là. Bon, le jour où on commence à répondre que le verbe s'installe est la fin de cette étape où l'on ne pouvait cesser de se poser des questions sans réponse, puisque la descente d'intelligence nous donne accès aux mémoires, voire aux mémoires galactiques. Le cours de l'auteur que tu vas donner va-t-il résoudre ce problème complètement, ou s'il doit y avoir d'autres choses pour résoudre ce problème? Oui, quoi? Vous verrez. Ouais. Ça va voir. On me demande si c'est la fin, elle va voir. Si elle est rendue là, elle va savoir. Je ne pense pas pour y répondre, elle va savoir. Oui ou non. Le cours d'orateur, c'est comme n'importe quel cours. Garantissez-moi le produit du bord, je vais vous garantir le résultat. Vous parlez de création, il y a encore beaucoup de questions. Ah, oui, on en continue. Une étoile que Morion aurait-elle un jour agi dans le processus de constitution émotionnelle de l'humain, c'est-à-dire dans le processus d'implantation de l'âme chez l'humain? Tel est le cas. Comment un processus de négociation, de conscientisation qui amène à la destruction de l'âme et à la destruction du monde de la mort, de l'astral, peut-il agir sur les toiles d'Orion et sur ce qui la contrôle? Sur quel contrôle? Ce qu'on doit comprendre à travers cette mécanique, c'est bien qu'Orion, il y a eu d'autres toiles d'Orion. Il y a beaucoup de choses à faire quand c'est créé en provenance d'Orion. Sur cette place, puis Orion est encore présentement extrêmement présent à l'intérieur de. Le monde astral n'existe pas. On est d'accord avec ça. La matière n'existe pas, l'astral n'existe pas. Et continuellement, à travers l'évolution du cheminement évolutif, on doit cesser de s'attacher à tout. Dans le début, on dit « ne faites pas confiance ». C'est simplement une façon systématique et intuitive de dire « attachez-vous pas ». À qui devons-nous faire confiance? Personne. Quand on me dit « à vous, tu qu'es ?» je réponds non. Et je renchéris en disant « même pas à vous ». Ne vous faites pas confiance. Moi, je suis corrompu. Alors, je suis corrompu. Mais il y a une facture de confiance. C'est plus difficile. Et quand on veut préciser un peu, on dit, ne vous attachez pas. Pas à vous, pas à moi. Pas au voisin, pas à l'automobile, pas au plafond, pas au compte en banque, pas à votre linge, pas à votre corps. Pas des concepts, pas des idées, pas des désirs. Ne faites pas confiance à rien, inclus à l'humain, une chose, ne vous attachez pas. Si on ne s'attache pas, on va faire mal. Ça, on parle de la phrase. On en parle beaucoup. On va en reparler. Mais on ne devrait pas en reparler. La question des négos, c'est de quoi on va parler si on s'attache à rien. On ne parlera plus. Ça va être là. Les négos, on parle de la phrase. Aujourd'hui, je complique et je simplifie. Et je peux élaborer énormément et puis faire des vibrations pour simplifier. C'est ça. Alors, attachez-vous pas. C'est quand les questions de leur tête, attachez-vous pas à cette question-là. Attachez-vous pas à l'inventement. C'est dépendant. Une expérience extrêmement intéressante et extrêmement améliorante qu'on peut faire, c'est quand on se couche, on ferme les yeux, et puis on voit quelque chose. Et puis maintenant, on ne contrôle pas ce que l'on voit. On laisse ce qui est là. C'est comme ça. C'est d'écouler de l'énergie. On parvient à faire ça. On est proche. La majorité des gens, ils vont fermer leurs yeux, puis ils vont donner pour voir quelque chose. Et ils vont penser à avoir fait la couleur, même si c'est pas, ils vont essayer maintenant de voir les pétales, ils vont essayer de faire des choses avec. Oh, elle n'a pas la couleur qu'on voulait, puis là, c'est en sorte qu'ils vont essayer de faire des choses avec ça. Qu'est-ce que ça dit? Pas vous, c'est pas ça. Et si vous vous attachez, c'est à vous autres. Mais vous vous attachez à une mécanique où il n'y a pas de débarbé, vous ne contrôlerez pas. Lorsque l'humain fait un extra conscientisation, voyage astral, quelle vitesse est l'exercice? Qu'est-ce qui lui sert de véhicule, son périsprit, son âme en entier, quoi d'autre? Y a-t-il un lien entre ce genre de transport et le transport sélectif? Pour pouvoir se véhiculer dans le supra mental, faut-il avoir été capable de se véhiculer dans l'astral et se prévenir? Pour apprendre à conduire une moto, tu peux avoir appris à conduire un tracteur. Mais c'est un transport sélectif. La vitesse de son déplacement, c'est la vitesse à laquelle il peut se déplacer, une vitesse qui est très très proche de l'instantané, qui est beaucoup plus rapide que la vitesse de lumière, parce que ce déplacement très rapide se fait à travers un continuum supramental qui n'est pas limité à un accotement du déplacement à près de 300 000 km à la seconde. C'est beaucoup plus vite. Dans la conscience supramentale, faire le tour de la Terre, ça prend un millième de seconde. Dans la conscience supramentale, corporifié. Vous êtes capable, toutes, votre conscience vous permet de faire le tour de la Terre en un 10 milliardième de seconde. La majorité d'entre vous, votre conscience ne vous le permettra pas. Alors, je peux vous dire que vous pouvez le faire en un centième de seconde. Mais vous n'aurez pas fait tout à fait le tour de la Terre. En un dixième de seconde, vous ne faites pas tout à fait le tour de la Terre, mais en un millionième de seconde, vous faites le tour de la Terre. Si vous faites un pas en arrière, ça vous prend un dixième de seconde, vous venez de faire tout le tour de la Terre, moins un pas. Si vous ne bougez pas, si on a la conscience suffisamment supramentalisée, on va se rendre compte qu'effectivement, on peut le faire. On est tellement attaché par la forme qu'on n'arrive pas à être ailleurs. On n'arrive pas à être ailleurs. Si on n'a pas suffisamment de conscience supramentale, si on est attaché aux émissions de l'intellect, de la salle, ben on va dire que c'est comme ça qu'on a fait. Mais même mathématiquement, le résultat total d'un tour de terre, c'est de revenir à son point de départ. On vient tous en faire. Par quel processus celui qui vit en an 3200 peut-il revenir en 1989 sur le de la courbe du temps, mais à l'inverse, c'est-à-dire du premier chercher sur cette mémoire du futur, deuxièmement, cela crée un vide immédiatement, les mémoires du passé prennent place, et là, on se retrouve en 89. Mais si préalablement, il avait digéré ses mémoires passées pour aller vers le futur, comment peut-il retrouver cette vie? Est-ce confus? Elle n'est pas confuse. La confusion est confuse. En 3201, création matérielle, permettant à des êtres humains comme forestiers de voyager dans l'espace. Destination en 1989. Voyageront-ils dans le passé ou dans l'avenir? voyageront nécessairement dans leur avenir. Ils n'y ont pas été encore. Donc, pas dans leur passé, voyage. Ils iront dans le passé. Donc, dans l'avenir, voyage. Et ils voyageront dans l'or. Et nous, pour aller chez eux, en l'an 3201, nous vous devrons voyager dans notre futur. Quelle est la vitesse de celui qui absorbe son passé, ses mémoires?